Chapitre 4e, Joie. En retournant chez lui, Karim trouve sa mère et sa sœur occupées à savourer du café au lait avec un gâteau confectionné par la mère. L'atmosphère est détendue. Zaya, en particulier, n'a pas son ordinaire visage tendu et inquiet. Karim s'assoit près d'elle et engage la discussion avec un sourire pour les rassurer. « Maman, ma sœur Zaya, j'ai une proposition à vous faire. Êtes-vous prête à l'entendre ?» Elle le dévisage avec une gentille curiosité. Parle, l'invite la mère. Après leur avoir exposé l'idée de la crèche, il conclut. « Cela nous portera de la joie. À vous deux donnera l'occasion de remplir les moments libres de votre journée. Et si l'activité le permet, vous aurez, comme cerise sur le gâteau, un peu d'argent pour améliorer la vie. » « Aïe !» s'alarme Karim. « J'espère que l'expression « moment libre » ne choquera pas Zaya. Elle les consacre entièrement à la prière ou à la lecture du Coran. » La mère rit, puis déclare « Oh, pour la cerise, il me suffit quand ton épouse fasse un bon travail qui lui permet de gagner un peu d'argent. Je suis d'accord avec maman, » déclare Zaya d'un ton sincère. La mère ajoute, tout amusée « Alors, à mon âge, tu vas me faire jouer le rôle de maman ?»« Eh oui, tu as toujours été une adorable maman. Je sais que tu aimes tellement les enfants. Et toi, Zaya ?» Karim et sa mère tournent le regard vers elle. « Moi aussi j'aime les enfants, » dit-elle d'un ton sincère. « Mais Dieu ne l'a pas écrit. » La réponse soulage, bien qu'elle soulève une inquiétude chez le frère. Zaya est mentalement malade. Oui, tant qu'elle prend ses médicaments, son comportement est très doux, très collaboratif, mais si un jour elle cesse de les prendre... En effet, plusieurs fois, Zaya a essayé de se soigner, dans l'espoir de maintenir un comportement normal sans les pilules prescrites. Son intention était louable. « Je ne veux pas devenir dépendante, » déclara-t-elle. « J'essaie donc de voir si je peux me passer de médicaments. » Hélas, à chaque tentative, après un ou deux mois environ, elle manifestait une agressivité très violente, sans motif apparent et crédible. On comprenait alors la cause, l'abstention de médicaments. Très pénible moment. « Je ne suis pas malade !» hurlait-elle, les yeux injectés de sang. « C'est vous tous qui êtes malade, et le psychiatre le premier. J'ai compris qui il est. Ma voix me le dit, c'est Shaitan. Et vous tous, vous êtes des couffards, des mécréants. Voilà pourquoi vous m'accusez d'être malade. » Dans cette situation, il ne restait malheureusement plus que le recours à la force. Saisir l'infortuné et l'emmener à l'hôpital psychiatrique. Mais là, elle se trouvait jetée avec les pires malades mentaux, dans une salle commune, où les femmes criaient, bavaient, hurlaient, menaçaient, vomissaient, déjectaient, s'agressaient, jour et nuit. Ne supportant plus ce cauchemar, Zaya nous suppliait, le visage inondé de larmes, de la faire sortir et promettait de prendre régulièrement ses médicaments. Elle retournait au logis jusqu'à une autre crise. Cependant, depuis une année environ, Zaya se comporte de manière paisible et affectueuse, signe qu'elle respecte la prescription médicale. Karim connaît le caractère réel de sa sœur avant de devenir la proie de la funeste maladie. Zaya fut toujours une jeune fille d'une sérénité et d'une bonté remarquables. Aussi, le frère estime, animé par son optimisme, « Il est possible que la présence et les soins donnés à de petits-enfants aideront Zaya à mieux se comporter, notamment à se délivrer de la dangereuse obsession perpétuelle, les excessives prières et lectures coraniques. » Karim veut s'en assurer. « Tu es donc d'accord, » demande-t-il avec délicatesse à sa sœur, de réaliser ce projet ici, chez nous, dans notre appartement ?« Oui, » répond-elle d'un ton convaincu et ému. « Quand cela débutera et comment ?»« Eh bien, le plus tôt possible, car Zara a perdu son travail. Il faut donc un autre pour nourrir ce qu'il reste de sa pauvre famille, son père, sa mère et elle-même. » « Alors, » intervient la mère de Karim, contente, « vous avez décidé de vous marier ?»« Oui, maman, le plus tôt possible. »« Ah, j'en suis très heureuse. » « Finalement, tu auras une épouse. Moi, j'aurai des petits-enfants et ta sœur, des petites nièces et des petits-neveux. Les enfants, c'est la joie de la maison. Jusque-là, j'avais tellement peur de te voir quitter le pays, toi aussi, comme ton autre sœur et tant d'autres. » Karim tourne le regard vers Zaya. Elle le contemple avec une discrète satisfaction qui redonne à son visage un peu de sa charmante beauté passée. « Merci d'accepter, » lui dit-il. « Merci à toi, » répond Zaya, « de nous apporter de la joie dans la famille. » « Merci à toi aussi, maman, » ajoute Karim. « Moi aussi, je dois te remercier, » réplique cette dernière. « Tu me fais rajeunir. » Et vois cela. Elle lui indique le gâteau posé sur la table. Dieu a bien organisé les choses. Sans connaître ta bonne nouvelle, il m'inspirait à préparer cette tarte. Elle fêtera le projet. » As-tu déjà parlé du projet de crèche à Zara ? S'inquiète la mère en s'adressant à son fils. « Pas encore. Je voulais d'abord entendre votre avis. »